Avez-vous remarqué que dès qu'on parle des extraterrestres, les références qui viennent à l'esprit sont toujours datées? Comme si la croyance en d'autres vies possibles dans l'univers portait la marque des années 60 aux années 80, 1980. Les extraterrestres sont devenus ringards, et hormis quelques complotistes qui tiennent pour évidente la présence parmi nous de reptiliens venus d'ailleurs, personne ne soutient sérieusement l'hypothèse d'une rencontre du troisième type ici-bas. Et pourtant, c'est cette hypothèse et la possibilité qu'il y ait d'autres formes d'intelligence que la nôtre qui a contribué à façonner l'histoire de la philosophie telle que nous la connaissons aujourd'hui. À l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, dans la modernité, les philosophes ont eu leur mot à dire sur le sujet. Alors je vous propose ce matin de revisiter les questions métaphysiques et cosmologiques traditionnelles au risque de l'intelligence extraterrestre. Cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cette nuit, de Nantes à Strasbourg, en passant par Paris, le ciel a été envahi par de mystérieux objets volants. Les soucoupes volantes auraient une origine extraterrestre. Les soucoupes volantes seraient les envoyées d'un autre monde. Plus la planète Mars est proche de la Terre, et plus les observations d'engins non identifiés sont fréquentes. Le jeune homme de Cergy-Pontoise, qui avait disparu pendant une semaine au mois de novembre, affirme toujours qu'il a été enlevé par des martiens. Cette nuit, vers 1h15 du matin, on a vu un objet lumineux dans le ciel et ça faisait une traînée rouge derrière. J'essayais de l'approcher, j'ai plaqué mon casse-croûte sur le coin du pot de fleurs et rendu à 50 mètres de ce fameux engin, il a redécollé devant moi en scintillant un peu et ma foi, je l'ai perdu de vue 2 secondes ensuite. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. Bonjour Thibaut Grèce. Bonjour Adèle. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, docteur en philosophie, professeur de philosophie en Cagne à Blemey, donc en pleine préparation des concours d'oral, c'est ça? Oui, on prépare les oraux des étudiants. C'est ça. Et directeur et rédacteur en chef de la revue Actu Philosophia, vous êtes venu à plusieurs reprises nous parler de Descartes à ce micro. Oui. Je liste vos titres intentionnellement pour montrer que vous êtes quelqu'un de très sérieux. Et donc le fait que vous ayez écrit avec Paul Miro un ouvrage qui s'appelle « La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre » n'avait sans doute rien à voir avec le mix d'archives que vous avez entendu en début d'émission concocté par Nicolas Berger qui laisse entendre que finalement la possibilité d'une vie extraterrestre est plus une forme de blague qu'autre chose. Oui, alors d'autant plus que dans les morceaux sonores qu'on a entendus, c'était plutôt des problèmes liés aux ovnis qui étaient en jeu et que nous, ce dont nous parlons, c'est plutôt la question de l'intelligence extraterrestre qui nous intéresse, qui n'est pas immédiatement corrélée au problème de l'apparition d'ovnis, qui sont plutôt de l'ordre de phénomènes qui apparaissent. D'ailleurs, on parle plus tellement d'ovnis, mais de pans, de phénomènes aérospatiaux non identifiés, et qui relèvent plutôt d'une problématique, d'un type de phénomène qui prend la perception habituelle en défaut, mais qui ne relève pas forcément d'une réflexion sur la question extraterrestre. Ça relève plutôt d'une réflexion sur ce qu'une conscience humaine peut percevoir et sur ce qui déroute une perception humaine. L'intelligence extraterrestre, telle que l'envisage en tout cas l'histoire de la philosophie, n'a aucun rapport avec les apparitions d'ovnis ou de pans. C'est une réflexion à part entière sur, disons, l'étendue cosmique d'êtres qui pourraient être dotés d'une intelligence et d'un corps. Parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite. Les anges, dont la tradition médiévale parle énormément, sont, au sens littéral, des intelligences extraterrestres, mais on les a dématérialisés avec le temps, ils n'ont plus de corps. Donc ce n'est pas de cela dont on parle, c'est vraiment d'êtres qui sont dotés d'un corps, d'un minimum de matérialité et d'une intelligence qui, selon les différents auteurs, varie en intensité, mais qui en général est quand même largement supérieure à la nôtre. Alors le livre en question date de 2016, il est publié aux éditions Vrin, donc coécrit avec Paul Miro, La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre. Racontez-nous en deux mots comment vous en êtes venu à écrire cet ouvrage. Oui, bah écoutez, c'est vraiment occasionnel. On avait eu, à la faveur de l'approche de Noël dans notre lycée, l'occasion de consacrer deux journées entières avec les élèves à une réflexion sur un thème de notre choix. Et donc, on avait voulu travailler autour de rencontres du troisième type, et puis un petit peu broder autour de cela avec une professeure de physique et des professeurs de philosophie. Je crois qu'il y avait un professeur de biologie qui était là aussi. Et en préparant le thème, en fait, on s'est rendu compte que philosophiquement, on avait l'embarras du choix pour préparer la question. Et par ailleurs, comme j'avais un petit peu écrit sur Descartes, je connaissais une lettre à Chanu de 1647 où il aborde brièvement, mais de manière intéressante, la question. Et finalement, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que toute l'histoire de la philosophie, ou presque, évoquait, alors pas de manière, longue à chaque fois, mais quand même, évoquait la possibilité qu'il y eût des intelligences extraterrestres. Et on a essayé, auprès de nos élèves et avec nos élèves, de reconstituer en partie tout ça. Mmh. Et le résultat, après quelques années, a été le livre dont vous venez de parler. Et dont nous allons parler ce matin. Mais alors, avant cela, comment convaincre l'auditeur le plus sceptique qui se dirait, mais au fond, enfin, déjà peu importe s'il y a une existence extraterrestre, et enfin, la philosophie sérieuse n'a rien à dire à ça. Pourquoi est-ce que c'est philosophiquement important de prendre en compte la possibilité d'une intelligence extraterrestre? Alors, c'est intéressant, à mon avis, pour trois raisons. La première, qui est une raison assez classique, c'est qu'il est assez fréquent de poser une espèce de modèle supérieur ou parfait, même, à partir duquel on pourrait évaluer par différentiel notre propre intelligence. C'est-à-dire, si on pose une intelligence parfaite ou supérieure à la nôtre, on peut mieux comprendre quelle est notre propre intelligence, au moins par différentiel. Normalement, c'est Dieu. Normalement, c'est Dieu. Parfaite. Mais on peut tout à fait considérer que même des intelligences non divines, mais néanmoins largement supérieures à la nôtre, permettraient de nous situer dans une échelle des possibles intellectuels. La seconde raison, évidemment, c'est la question cosmologique que la philosophie doit prendre en charge. À partir du moment où on commence à infinitiser l'univers, la question quand même du peuplement de l'univers se pose. Et la question, même si c'est un petit peu anachronique pour le monde du XVIIe siècle, de la probabilité d'un peuplement intelligent et corporel se pose aussi. Et c'est une question tout à fait rationnelle, et je pense même qu'il est irrationnel de refuser de se la poser. Et puis, il y a évidemment, au regard des développements contemporains sur les exoplanètes, au regard des liens que la philosophie peut entretenir avec la science contemporaine, toute une série de réflexions sur la possibilité d'une vie en dehors de la Terre, sur la possibilité que la vie finisse par adopter une forme intelligente. Donc je pense que du point de vue épistémologique, c'est une question qui est absolument nécessaire, et aujourd'hui plus que jamais. Et vous avez une conviction, une croyance en la matière, ou c'est purement spéculatif comme exercice pour vous ? Alors disons, sur le plan philosophique, c'est un exercice plutôt spéculatif. Sur le plan plus personnel, bizarrement, je ne dirais pas que je suis entièrement convaincu par l'existence d'extraterrestres intelligents. Bon, mais finalement, c'est secondaire par rapport à l'exercice philosophique en lui-même, c'est ça ? Exactement. Comme toute forme de croyance, d'ailleurs. Enfin, absolument. On espère, sinon c'est la philosophie elle-même qui vacille. Alors, de quand datent les premières références au fait d'envisager une intelligence extraterrestre dans le corpus philosophique ? Alors, ça date depuis les présocratiques. On trouve des traces chez Anaxagore, on trouve des traces chez Xénophane, on trouve des traces ensuite, entre les deux, chez Plutarque. On a vraiment soit une réflexion, soit même, c'est étonnant de dire les choses ainsi, mais une description, à en croire Xénophane, d'un certain type de peuplement, notamment de la Lune. Et même dans des traditions très empiristes et très descriptives, celles de Xénophane, on a une espèce, à en croire Cicéron en tout cas, on a une espèce de description des habitants de la Lune qui est assez étonnante, et qui d'ailleurs, si vous me permettez de faire un grand saut, se retrouve en partie chez Kepler. Il y a un texte de Kepler qui, assez étrangement, décrit Alors, c'est un petit peu ambigu, on a du mal à comprendre si c'est un songe qu'il aurait fait ou si c'est vraiment une description au télescope. Le peuplement, les villes, la manière même dont sont structurés les artefacts lunaires. Donc au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, absolument. Il y a une lettre de Kepler qui indique qu'apparemment il faut le prendre au premier degré, au degré d'une observation qu'il aurait faite au télescope. Donc il y a toute une série comme ça d'approches empiriques et descriptives qui sont d'ailleurs les plus déroutantes à bien des égards. Et chez les présocratiques, il n'y avait pas de télescope, donc c'est quoi? C'est uniquement l'observation à l'œil nu? Alors malheureusement, comme on a très peu de textes d'eux, ce sont des comptes rendus que Cicéron a fait, notamment pour Xénophane, donc on ne comprend pas du tout exactement la raison pour laquelle il décrit cela. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que Xénophane part quand même de ce qu'il appelle le bon sens, de la bonne observation. Et de ce point de vue-là, ça n'est pas spéculatif, a priori, dans ce que l'on peut comprendre de Xénophane. Et ça, on peut le comprendre quand même en indexant ce qu'il dit à une vision du monde, à une vision cosmologique qui est caractéristique de l'Antiquité, qui est différente de la nôtre, non? L'univers, oui. À l'époque, ça signifie pas du tout la même chose que l'univers aujourd'hui. Alors, vous avez tout à fait raison. Cela étant, on se rend compte en travaillant là-dessus que la vision de l'univers est assez peu unifiée. On se rend compte qu'ils sont en désaccord déjà sur la forme même de la Terre. Certains défendent déjà la sphéricité parfaite de la Terre, d'autres vont y voir un trapèze. Il y a des platistes déjà? Un trapèze volumique. D'accord. Et on va avoir également des désaccords sur la Lune, on va avoir des désaccords sur le nombre de lunes. Donc il y a déjà un désaccord assez net sur la cosmologie, mais ce qui est certain, c'est que à peu près tout le monde, mis à part la tradition de Démocrite et d'Épicure, considère quand même qu'il y a une certaine forme d'harmonie, qu'il y a une certaine forme de cohérence cosmique. Et cette cohérence cosmique va, la plupart du temps, impliquer quelque chose de l'ordre de la finalité. Il faut bien que l'harmonie soit finalisée pour qu'elle puisse s'accomplir, et qui va donc avoir des conséquences assez importantes sur l'idée que si quelque chose existe dans le ciel, il faut bien qu'il serve à quelque chose, qu'il contribue à l'harmonie. Et c'est un argument qui va avoir la peau dure, si je puis dire. On le retrouvera par exemple chez Fontenelle beaucoup plus tard au XVIIIe siècle, enfin à la fin du XVIIe pour l'entretien sur la pluralité des mondes. Il va avoir un argument qui pour moi est vraiment antique, à savoir que à partir du moment où il y a des corps célestes, ils doivent bien avoir une utilité quand même. Ils doivent contribuer à quelque chose. Et il va même jusqu'à dire qu'il serait irrationnel de considérer que de telles masses de matière pourraient n'avoir aucune utilité. Et c'est vraiment, à mon avis, une espèce de résurgence de l'argument de l'harmonie et de la contribution de chaque partie au tout. Il y a déjà à l'époque antique donc un conflit, une opposition autour de cette question. D'un côté, la perspective des atomistes, Épicure notamment, qui démontre l'existence des mondes pluriels, et de l'autre, Aristote, qui lui au contraire va déduire l'impossibilité d'intelligence extraterrestre de sa cosmologie close. Voici un court texte d'Épicure qui vous donnera une idée des arguments qu'il déploie pour argumenter en faveur de sa thèse, et vous nous direz comment Aristote procède, Thibaut Grèce. Ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents. En effet, puisque les atomes sont en nombre infini, il y en a partout, leurs mouvements les portant même jusque dans les lieux les plus éloignés. Et d'autre part, toujours en vertu de cette infinité en nombre, la quantité d'atomes propres à servir d'éléments, ou autrement dit de cause, à un monde, ne peut être épuisée par la constitution d'un monde unique, ni par celle d'un nombre fini de mondes, qu'il s'agisse d'ailleurs de tous les mondes semblables aux nôtres ou de tous les mondes différents. Il n'y a donc rien qui empêche l'existence d'une infinité de mondes. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est la question qui nous occupe cette semaine sur les chemins de la philosophie. Aujourd'hui, en compagnie du philosophe Thibaut Grèce, qui a coécrit avec Paul Miro un ouvrage paru aux éditions Vrin qui s'appelle « La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre ». Et vous venez d'entendre un extrait d'Épicure, lu par Hélène Losseur. Disons-le tout de suite, le texte ne postule pas l'existence d'une intelligence extraterrestre, mais celle de la pluralité des mondes. Mmh. Et peut-être qu'une manière de comprendre cette position, c'est de dire d'emblée qu'au fond... c'est pas juste un postulat, c'est une conclusion logique qui se comprend avec la cosmologie d'Épicure, à savoir Épicure est un atomiste, donc l'univers est composé d'atomes éternels, immuables, et c'est cet univers est forcément infini, c'est-à-dire qu'il y a comme une base, un argument qui lui-même est proprement cosmologique, voire physique, ce qui lui permet de postuler plus philosophiquement l'existence de cette pluralité des mondes, Timogresse. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment une réflexion sur la constitution et les constituants ultimes de l'univers, c'est-à-dire sur les atomes qui sont en nombre infini et qui ne sont pas soumis à une finalité particulière et qui peuvent donc se combiner et s'agréger d'une manière, je dirais, aléatoire. Et dans la mesure où le nombre infini d'atomes rencontre le terme est anachronique, mais un espace, disons, lui-même infini, ils peuvent former une combinaison, disons, sans cesse recommencée, de mondes qui sont soit similaires aux nôtres, soit différents. Sachant qu'on va appeler ici un monde une unité cohérente, organique, organisée autour d'un certain nombre d'astres et qui forme vraiment un système qui a son autonomie propre. Et à cet égard, en effet, à partir d'une réflexion qui est purement atomiste, purement cosmologique, Épicure va essayer de penser, comme vous le dites très bien, la nécessité, au regard de l'infinité des atomes et de l'infinité du vide, qu'il y eut des mondes multiples. Mais en effet, il ne formule pas, à ma connaissance, la notion d'intelligence extraterrestre. Mais en revanche, il considère que ça peut tout à fait être habité. Mmh, c'est ça. Mais ce qui est important pour lui, c'est cette histoire de pluralité de mondes. Oui. Pourquoi est-ce qu'Aristote n'est pas d'accord avec ça? Alors, les raisons d'Aristote sont assez complexes. Elles tiennent, en général, on pourrait penser que ça tient au fait que le cosmos d'Aristote est clos, limité, fermé, etc. Mais ça n'est pas la raison fondamentale, parce que finalement Kepler, qui lui aussi n'est pas du tout favorable à l'ouverture à l'infini de l'univers, considère quand même qu'il y a des intelligences extraterrestres et même à proximité de la Terre. Sur la Lune, en l'occurrence. Donc je ne pense pas que ce soit l'argument fondamental. Les arguments d'Aristote sont assez compliqués, il faut bien le dire. Il va y avoir un argument sur le mouvement, qui est un peu trop long pour être vraiment développé ici. Il va y avoir un argument par la question du nombre, et en fait on se rend compte quand on regarde Aristote que ce sont beaucoup plus des arguments de nature métaphysique que des arguments de nature purement cosmologique qui interdisent la possibilité d'autres mondes. C'est-à-dire que c'est l'impossibilité de croire en quelque chose qui s'apparenterait à l'infini? Parce que c'est, la notion même d'infini est différente dans l'Antiquité, justement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'infini actuel chez Aristote. Ouais. Il n'y a pas d'infini qui serait réalisé ici-bas. Mais je ne crois pas encore une fois que ce soit la question de la finitude qui soit en jeu, que ce soit la question de la finitude du cosmos qui explique ça. Ce sont vraiment des arguments sur le mouvement. En fait, pour le dire très rapidement, il explique que s'il y avait une pluralité des mondes, sa cosmologie impliquerait des mouvements extrêmement violents, qui ne font pas partie de ce que l'on peut observer par expérience et qui donc permettent en retour d'expliquer que ces mouvements n'existent pas et donc que les mouvements qui auraient dû être provoqués par les autres mondes, par leur absence, montrent qu'il n'y a pas d'autres mondes. Mm-hmm. C'est vraiment l'argument central. Après, il va y avoir un argument assez technique sur la question des nombres, mais qui n'engage pas la question de l'infini. Et finalement, mais pour des raisons à mon avis indépendantes de la clôture du cosmos, il conclut à l'impossibilité de la pluralité des mondes. Et un dernier point sur cette période antique, quelle est la position de Platon à ce sujet? Je sais que dans le Timée, notamment, on a la description de ce qui semble être des mondes absolument différents. Oui, alors chez Platon, il y a deux choses intéressantes dans le Timée. La première, c'est qu'il y a l'affirmation explicite que les âmes, évidemment, peuvent être plus ou moins associées à des astres. Mmh. Et de ce point de vue-là, on comprend que les astres sont associés à des âmes et que les âmes sont partout. Ça, c'est une position finalement assez classique. Et on comprend par la même occasion, mais là, il faudrait peut-être croiser le Timée avec le Phèdre, qu'il y a une réflexion, je pense, sur la patrie de l'âme. C'est-à-dire, quel est le lieu propre de l'âme, notamment pour nous humains. Et on a l'impression assez nette chez Platon que la patrie de l'âme pour nous humains n'est pas la Terre. Et à cet égard, on peut aller jusqu'à dire que finalement, la patrie véritable des hommes, ce sont sans doute les astres auxquels les âmes sont associées. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le cosmos de Platon est peuplé, mais il est peuplé d'humains. C'est-à-dire d'humains qui auraient retrouvé leur véritable patrie et qui n'auraient plus à subir une présence terrestre. Il ne faut pas oublier que nous sommes là parce que l'âme a perdu ses ailes, selon la formule du Phèdre. Donc si elle a perdu ses ailes, c'est qu'elle est un peu dénaturée et que par conséquent, l'endroit où nous sommes n'est pas l'endroit où nous devrions être. Et on devrait être où ? on devrait être, selon le type d'âme dont on dispose, sur les corps célestes auxquels les âmes sont associées. Donc c'est notre monde au fond. C'est notre monde, exactement. Le monde cosmique de Platon est un monde humain à condition de ne pas entendre par humain habitant de la Terre. Voilà, c'est ça. Donc la Terre, où les humains n'ont pas le monopole de la Terre. On peut trouver des êtres humains en dehors de la exactement. Planète Terre. Exactement, mais sous une forme évidemment différente. Ouais, sous une forme différente. Comment est-ce que l'arrivée du christianisme et l'introduction d'une cosmologie en phase avec le postulat de l'existence du Dieu chrétien va changer l'attitude des philosophes à l'égard du cosmos et donc de la philosophie qu'ils vont déployer quand ils regardent l'univers? Alors c'est une question qui est très compliquée, selon ce que l'on a trouvé, quand même explose au XIIIe siècle. On va avoir deux thématiques qui vont être essentielles. Une première thématique sur la question de la puissance divine et de la manière dont la puissance divine s'exprime, et une thématique sur la question de la cohérence globale de la création. Mmh. Et ça explose, si je puis dire, entre Thomas d'Aquin et Étienne Tempier, qui est le fameux évêque de Paris, qui avait établi une liste de condamnations de thèses hérétiques ou erronées en 1277. Et Thomas d'Aquin était parvenu à l'idée qu'il ne fallait pas qu'il y eût plusieurs mondes et qu'il y eût des intelligences non humaines extraterrestres pour des raisons de cohérence et d'unité de la création. C'est assez étonnant parce que quand on lit le raisonnement en entier, on a l'impression qu'il a toutes les prémices pour parvenir au résultat contraire. Et tout d'un coup, la question de l'unité de la création se pose et donc il semble tout d'un coup s'infléchir vers l'idée que non, il n'y a que les humains qui sont créés en tant qu'intelligence corporelle. Et Tempier, donc le fameux évêque de Paris, en 1277, va condamner un tel résultat et va considérer que ça porte atteinte à la puissance divine, dans la mesure où la puissance divine devrait s'exprimer par une immensité, notamment une immensité au niveau du nombre de créatures. Donc il va considérer que c'est limiter la puissance divine que de limiter la quantité de création, notamment de créatures intelligentes. Et à partir de 1277, on a une condamnation des thèses donc refusant l'existence d'intelligence extraterrestre. Donc non seulement les extraterrestres existent, mais en plus ils ont été créés par Dieu. Oui, alors ça pose par ailleurs un autre problème qui lui est beaucoup plus théologique que philosophique, à savoir s'il y a des intelligences extraterrestres, pour qui le Christ est-il venu ? Ont-ils à être sauvés ? Sont-ils des descendants d'Adam ? C'est la question du monogénisme. Appartiennent-ils à la même lignée ? Sont-ils une autre lignée ? Cette autre lignée, à supposer que ce soit le cas, est-elle elle aussi affectée par le péché ? Et on a toute une série de réflexions qui a encore un écho d'ailleurs chez Descartes sur disons l'étendue du salut que le Christ promet. Mmh. À qui le salut est-il adressé? Donc c'est un moment où la philosophie n'est pas dissociable de la théologie. Oui, les questions se croisent, bien que quand même la question du salut christique soit une question spécifiquement théologique. Mais en revanche, la question de la puissance divine, de l'immensité par laquelle s'exprimerait la puissance divine, est une question qui est à cheval sur la métaphysique et la théologie. C'est aussi le moment, enfin fin du Moyen-Âge et début de la Renaissance, où on passe du monde clos d'Aristote à l'infinitisation du monde, avec Nicolas de Cuse notamment. Mais là, c'est toute la cosmologie qui va être bouleversée. Absolument. Et là, on quitte la réflexion, disons, purement métaphysique sur la puissance divine, pour essayer de tirer les conséquences d'un univers qui s'étend à l'infini, ou de manière indéfinie, pour parler comme Descartes. Mmh. Et on se demande, évidemment... Nicolas de Cuse est vraiment le premier, à ma connaissance, en philosophie à affirmer un univers infini exprimant sous une forme contractée l'infini divin. On commence à se demander, en effet, dans un univers aussi vaste, quel en est le peuplement ? Et on retrouve des arguments qui sont aujourd'hui toujours assez séduisants, c'est-à-dire des arguments presque de nature probabiliste. Encore une fois, il n'y a pas de probabilité à ces époques-là, mais il y a quand même une réflexion sur la quasi-impossibilité qu'un univers aussi vaste ne soit peuplé que par nous, en tant que créature intelligente. Et Nicolas de Cuse, en effet... Peut-être dites-nous qui est Nicolas de Cuse. Oui, pardon. Nicolas de Cuse, donc, c'est un penseur du XVe siècle, de la première partie essentiellement du XVe siècle, allemand, cardinal, qui va écrire un certain nombre de traités, et notamment la Docte Ignorance, qui est un traité en très grande partie néoplatonicien, et dans lequel il va, si je puis dire, actualiser une réflexion sur l'un à la faveur d'une cosmologie qui devient infinie et à la faveur d'une défense de l'univers infini qui exprime à sa manière l'infinité du Créateur. Mmh. Et ça lui permet, de manière très néoplatonicienne, ça lui permet de mettre en place en fait une sorte disons, de continuité entre le créateur et la création. On n'a pas de rupture dualiste entre d'un côté un créateur qui serait dans son coin et de l'autre une création qui serait complètement différente du créateur. Là, on a des attributs du créateur qui se retrouvent, à leur manière, dans la création elle-même. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de Nicolas de Cuse que de montrer cela. Et donc, une fois qu'il a montré cela, dans les paragraphes 169-170 de la Doctrine Ignorance, il va tirer les conséquences sur l'affirmation, dans un univers infini, d'un peuplement de créatures intelligentes. On l'écoute ? Oui. Voici les arguments. Il est impossible pour l'homme de savoir si la région de la Terre est, quant à son influence, d'un rang plus parfait ou au contraire moins noble que les autres régions stellaires, celles du Soleil, de la Lune et des autres astres. Et il en est de même concernant le lieu. Certes, on pourrait par exemple dire que cette région-ci du monde est l'habitation des hommes, des animaux et des végétaux, qui sont d'un rang moins noble que les êtres habitant dans la région du Soleil et des autres étoiles. Mais même si Dieu, qui est le centre et la circonférence de toutes les régions stellaires, a fait procéder de lui divers types de noblesse habitant dans chacune d'entre elles, pour ne pas laisser vide tant de lieux célestes et stellaires, et sans doute aussi pour que notre Terre ne fût pas la seule à être habitée par des êtres inférieurs, il semble pourtant qu'il ne puisse se donner de nature plus noble et plus parfaite en son genre que la nature intellectuelle qui habite ici, sur cette Terre et dans sa région, même s'il existe d'autres genres d'habitants dans les autres étoiles. Est-ce que vous m'entendez? Mon nom est Christopher Pike, commandant à bord du vaisseau spatial Enterprise. J'appartiens à un groupe stellaire à l'autre bout de la galaxie. Vos intentions sont pacifiques. Est-ce que vous me comprenez? Il apparaît, magistrat, que l'intelligence de ce spécimen est étonnamment limitée. Ça n'est pas surprenant car son vaisseau a été attiré ici si facilement avec des ruses primitives. Comme vous pouvez lire dans sa pensée, il commence seulement maintenant à soupçonner que les survivants et le campement étaient une simple illusion que nous avons créée dans son esprit. Vous ne parlez pas, mais je peux écouter. Vous noterez son désarroi alors qu'il lit nos transmissions de pensée. D'accord, de la télépathie. Vous lisez dans mon esprit, je lis dans les vôtres. Je vous préviens qu'à bord de mon navire, on considère ma capture comme une preuve d'agression. Et maintenant, la réaction primitive de menace par la peur. Le spécimen est sur le point de vanter sa force, l'armement de son vaisseau, etc. Après, frustré dans son besoin de montrer sa puissance, la créature va se jeter contre la cloison transparente. Il fallait qu'il y ait l'ouverture pour s'introduire dans cette cage transparente, non? Il y a moyen de s'évader de toute cage, je trouverai. En dépit de sa frustration, la créature semble s'adapter plus facilement que les spécimens des autres planètes. Nous pourrons bientôt commencer les expériences. Et on les a commencés depuis longtemps, hein, Thibaut Grèce. Alors c'est passionnant de voir quand on arrive là, à la période de la Renaissance et poser l'hypothèse grande probabilité de l'existence d'une intelligence extraterrestre. Bah, la question qui se pose tout de suite, c'est est-ce qu'ils sont plus intelligents que nous ou pas? Et c'est la question que pose l'extrait de Star Trek que vous venez d'entendre, hein, où finalement les Talosiens, les extraterrestres, ont capturé un humain, Christopher Pike, et ils se moquent de son intelligence limitée. C'est-à-dire qu'eux seraient forcément supérieurs à nous, ce qui est forcément plaisant donc pour le téléspectateur d'assister à ça. Et c'est intéressant de voir que cette idée-là d'une comparaison, même disons d'une compétition entre les terriens et les autres, se pose dès le 15e siècle avec Nicolas de Cuse. Oui, alors ce qui est intéressant dans la thèse de Nicolas de Cuse, c'est qu'il va distinguer deux choses, c'est-à-dire la question de la perfection en son genre de l'être humain, de la question des intelligences, disons, ordonnées depuis le plus bas jusqu'à Dieu. Ce qu'il dit, c'est que l'homme, l'être humain, est parfait en son genre. Mais il ne dit pas qu'évidemment, il dispose de l'intelligence la plus haute. Il dit simplement que, relativement à la nature humaine, relativement à ce que l'homme peut être, en fonction de ce que sa nature lui dicte, l'homme est globalement achevé. L'homme a globalement, si je puis dire, accompli sa propre nature. Et en ce sens, il est parfait en son genre. Il est complet par rapport à ce qu'il peut être. Donc on n'a pas à déplorer ce que c'est que l'être humain par rapport à ce que l'être humain pourrait être. Il est accompli. En revanche, il n'exclut absolument pas que, dans l'absolu, l'intelligence humaine ne soit pas du tout au sommet. Il est tout à fait possible que des intelligences soient largement supérieures à celles des êtres humains. Le paradoxe étant que les créatures intelligentes disposant d'une intelligence supérieure pourraient être moins parfaites. c'est-à-dire pourraient beaucoup moins bien accomplir leur propre nature que nous. Donc ce sont deux questions légèrement différentes. D'un côté, la question de ce que l'on accomplit par rapport à la nature, et de l'autre, la question de l'intelligence, presque dans une question intensive, dans une échelle d'intelligence, et donc en effet dans une optique presque de compétition dont vous parliez. Oui. C'est ça, et qui se comprend par rapport à l'indexation de cette pensée sur une vision du monde dans laquelle se trouve Dieu, en tout cas une unité, qui est lui-même à l'origine de la création. Et cette idée-là, on va la retrouver quand même pendant toute la Renaissance. Il y a forcément une création divine. Nous sommes forcément une créature divine. Et c'est la puissance même de Dieu qui va être mise à l'épreuve selon que l'on considère qu'il y ait d'autres formes d'existence que la nôtre, au fond. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va essayer d'indexer la puissance de Dieu au regard de l'immensité de la création, au regard de l'immensité aussi bien du cosmos que du peuplement de ce même cosmos. Et on va, si vous me permettez d'évoquer Descartes, bien que ce soit pas tout à fait dans la Renaissance... Bah, je vous en prie, avançons de toute façon. Le programme est chargé. On va avoir dans une lettre assez célèbre à Chanu du 6 juin 47 une reprise par Descartes d'un argument qui était finalement à peu de choses près l'argument que Tempier avait utilisé contre notamment Thomas d'Aquin, à savoir que ce serait réduire la puissance divine que de restreindre l'immensité de sa création. Et donc Descartes va, comme toujours avec une petite ironie, dire qu'il s'étonnerait que l'on puisse imaginer qu'il n'y ait que les êtres humains comme créatures intelligentes au regard de ce que cela impliquerait sur la puissance créatrice de Dieu. Donc c'est vraiment un argument qui est très séduisant, qui peut s'utiliser dans différents sens d'ailleurs, et qui est assez puissant. Il écrit ceci dans cette lettre à Chanu, Descartes écrit ceci, « Lorsque l'Écriture sainte parle en divers endroits de la multitude innombrable des anges, elle confirme entièrement cette opinion, car nous jugeons que les moindres anges sont innombrablement plus parfaits que les hommes. Et les astronomes, qui en mesurant la grandeur des étoiles les trouvent beaucoup plus grandes que la Terre, la confirment aussi. Car si de l'étendue indéfinie du monde, on infère qu'il doit y avoir des habitants ailleurs qu'en la Terre, on le peut inférer aussi de l'étendue que tous les astronomes lui attribue, à cause qu'il n'y en a aucun qui ne juge que la terre est plus petite au regard de tout le ciel que n'est un grain de sable au regard d'une montagne. » Oui. Alors ça, c'est typiquement cartésien comme manière de faire, parce qu'il reprend de manière assez subtile la question des anges, qui était une question médiévale très importante, et à mon avis, c'est une allusion en partie à Thomas d'Aquin, puisque Thomas d'Aquin soutenait l'idée selon laquelle il y avait une continuité, il y avait la fameuse échelle continuiste de l'être jusqu'à Dieu, et que nous étions tellement loin de Dieu qu'il fallait qu'il y eût une infinité d'anges, en fait, en nombre infiniment plus important que le nombre d'humains connus. Donc on a une petite allusion à Thomas d'Aquin par cette référence-là. On a en même temps la reprise de l'argument de Tempier sur la puissance divine, et on a une réflexion qui est de nature cosmologique, c'est-à-dire on a une réflexion sur l'immensité de l'univers, qui est couplé à la petitesse de la Terre. C'est pas uniquement une réflexion sur l'immensité de l'univers, c'est au sein de cette immensité, la Terre n'est rien. Donc en plus, il y a une réflexion sur la relativité de la Terre au regard de l'immensité qui est découverte. Parce qu'on pourrait avoir une immensité au sein de laquelle la Terre serait elle-même immense, ce qui n'est pas le cas. La Terre est moins qu'un grain de sable au regard d'une montagne. Donc là, on voit, si je puis dire, la gamme très étendue sur laquelle Descartes évolue. Il y a une référence théologique implicite. Il y a évidemment une remarque cosmologique et il y a de la métaphysique. Et il va brasser tout cela de manière très très condensée et ça vous donne ce résultat-là qui finalement ne peut froisser personne parce que mine de rien, il est en accord avec la condamnation de Tempier. Oui. Il est en accord avec Tempier et il réintroduit la question des anges et il est donc en accord en partie avec la réflexion de Thomas sur les anges. Oui, il a raison d'être prudent parce qu'à l'époque justement, ce qu'on écrivait, on pouvait être condamné pour les propos tenus si c'était jugé indigne de du dogmatisme catholique. Absolument. Mais là, il est dans les clous. Là, il est safe. Mais notons quand même qu'il emploie le mot d'indéfini et pas d'infini. Oui. Parce que l'infini, c'est le propre de Dieu, n'est-ce pas? Absolument. Là, on voit qu'il est peut-être plus prudent que Giordano Bruno, qui avait été brûlé quelques années auparavant. Il est plus prudent, je pense, aussi que Nicolas de Cuse, quoique Nicolas de Cuse ait aussi quelques prudences. L'infini, c'est véritablement ce qui est sans bornes, ce que l'on peut affirmer comme étant dénué de bornes, et donc ça ne concerne que Dieu, tandis que l'univers est indéfini, c'est-à-dire c'est quelque chose dont on ne peut pas déterminer les bornes. Et à cet égard, au-delà de la distinction conceptuelle, ça lui permet d'éviter de confondre le créateur et la création, et donc de tomber soit dans des formes de panthéisme, soit dans des formes d'émanation qui ne permettraient pas de comprendre la différence ontologique entre Dieu et sa création. Donc de ce point de vue-là, il se couvre aussi, bien que, à mon avis, ce n'est pas qu'une question tactique, il a besoin, pour démontrer l'existence de Dieu, d'une idée d'infini qui soit purement affirmative, qui soit véritablement l'affirmation de ce qui n'a pas de limite. Et de ce point de vue-là, il y a une parfaite concordance entre ce qu'il dit dans la lettre, ce qu'il avait dit déjà dans les réponses aux premières objections, et l'utilisation qu'il fait de l'idée d'infini dans la troisième méditation. Mais ça va même encore plus loin, si on reste un instant encore chez Descartes, parce que postuler que l'infini, l'entendement divin est infini, alors que l'entendement humain ne pourrait être que fini, c'est aussi reconnaître la difficulté pour l'être humain de vraiment penser ce qu'est l'infini. Il y a quelque chose d'inimaginable dans l'infini. Alors, il y a comme une limite structurelle, voyez, à notre cerveau, à notre entendement humain, pour penser l'infini. Absolument. D'ailleurs, chez Descartes, c'est plutôt la volonté qui est du côté de l'infini. Exactement. Et pas l'entendement qui est même à bien des égards passif. Ce qui est la source de toutes nos erreurs, selon Descartes. Exactement. Et la question de l'infini est une question très intéressante parce que, au sens propre, même quand on y pense, ce n'est pas un concept. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que nous concevons au sens où nous le produisons. Dans la troisième méditation, il est très clair, c'est la seule idée qui a été mise en nous par Dieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous recevons et donc que nous ne sommes pas capables de produire, en réalité. Donc, en effet, ça nous excède de toutes parts. On la trouve toute faite, si je puis dire, l'idée. Nous ne l'avons pas conçue, au sens où nous ne l'avons pas ouvragée, mais nous découvrons une marque du véritable auteur de cette idée, qui est Dieu. Donc, nous ne sommes pas à l'origine de l'idée d'infini qui nous déborde de toutes parts, bien que nous puissions, si je puis dire, en prendre connaissance de manière réflexive. Mais la réflexivité sur cette idée nous révèle que nous n'en sommes pas l'auteur. Et donc, ça nous conduit mécaniquement vers un être infini. Voilà, mais ça explique aussi pourquoi nous avons tant de mal à nous figurer, et là je parle au sens presque d'une image, que l'univers puisse être infini. C'est ça aussi qui est en jeu. Oui, absolument. Mais là, pour le coup, je pense que Descartes résonne aussi en scientifique. C'est-à-dire, il a parfaitement conscience que nous ne pourrions affirmer de l'univers qu'il est infini que si véritablement, il y a un paradoxe, nous avions pu l'établir scientifiquement, ce qui paraît presque impossible du point de vue expérimental. Donc je pense que scientifiquement, il a une prudence qui est vraiment bienvenue. C'est vraiment ce dont, pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de fixer les bornes. Pascal, à l'inverse, emploiera le terme d'infini sans prudence, pour le coup. Infiniment rien, infiniment tout. Absolument. Nous sommes à l'infini dans l'infini. Ce sera plus radical par rapport à cela, oui. Et donc rendra peut-être mieux cette espèce d'effroi dans lequel nous sommes, comme quand nous regardons l'univers et nous ne savons pas si nous sommes seuls dans l'univers et si l'univers lui-même a des limites. Absolument. Est-ce qu'il y a un lien entre le point que nous venons de faire sur Descartes, un peu sur Pascal, cette époque-là, et ce qui se passera ensuite, justement au début de la Renaissance, ensuite un peu plus tard dans le XVIIe siècle, avec notamment cette idée selon laquelle, c'est ce qui revient beaucoup chez Fontenelle, mais chez d'autres aussi, que non seulement nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais que c'est la Lune qui est habitée et on peut quasiment l'observer. Oui, vous savez qu'au XVIIe, Cyrano de Bergerac dit même que le Soleil est habité. Alors oui, il y a un lien. Le lien, je pense que c'est un lien qui est purement empirique, c'est-à-dire c'est l'essor des observations. On est fasciné par la découverte des cratères de la Lune. On imaginait que c'était un corps parfaitement poli, dont la surface était parfaitement lisse. On s'aperçoit que c'est très loin d'être le cas, c'est assez déroutant. On le sait depuis Galilée, mais tout le monde va un peu s'engouffrer là-dedans et se demander ce que l'on peut faire de tels cratères, ce qui s'y trouve. C'est là où Kepler va loger les villes, d'ailleurs, des Endymiodides, les habitants de la Lune. Oui. Et donc ça, à mon avis, c'est le lien fondamental et premier, l'idée d'une certaine observation ou d'une observation supposée, d'une part de la Lune en général et d'autre part des éventuels artefacts que certains croient y trouver. Alors je lis juste ce que dit Kepler, c'est assez cocasse en plus. Les cavités de la Lune, que Galilée fut le premier à remarquer, ont le plus souvent l'apparence de taches. Ce sont, comme je le démontre, des dépressions dans la surface plane du sol, comme les mers chez nous. Mais d'après la forme des cavités, je conclus que ce sont plutôt des zones marécageuses. C'est là que les Endymionides fixent en général l'emplacement de leur ville. Ils veulent se protéger de l'humidité et des moisissures autant que de l'ardeur du soleil, et peut-être aussi des ennemis. Là, c'est formidable parce que tout ça ne sont que des inférences à partir de l'observation à l'œil nu des taches que l'on voit sur la Lune. Oui, absolument. Et ça, c'est vraiment le premier argument, disons, que le 18e va reprendre. Il y a une seconde raison sans doute pour laquelle ça va se développer, c'est la découverte de nouvelles terres, sur Terre évidemment, habitées, dont on n'imaginait pas qu'elles soient peuplées de la sorte, et qui va donner par analogie le sentiment que, déjà qu'on connaissait très mal finalement le peuplement de la Terre, à plus forte raison, on connaît extrêmement mal le peuplement de l'univers et même du système solaire et des corps les plus proches. On va avoir cette obsession, notamment chez Fontenelle dont vous aviez parlé à l'instant, et je pense qu'on aura une troisième raison aussi, mais qui sera vraiment inhérente au XVIIIe siècle, c'est qu'on va commencer à se demander exactement, là c'est plus spéculatif, ce que désigne au sens précis l'universel. C'est-à-dire l'universel, on a présupposé que c'était au fond les êtres humains et la Terre. Ça se limite finalement, c'est pas si universel que ça. Encore aujourd'hui d'ailleurs, quand on dit universel, on dit sur Terre en fait. Absolument. Ouais. Et on va avoir, chez Kant, c'est pas tant, mais... je pense qu'on le trouve aussi déjà chez Fontenelle, on va avoir l'idée que l'universel, il faut l'entendre au sens premier. L'universel, ça concerne l'univers, et donc il faut parvenir à penser à l'échelle de l'univers si on veut vraiment se mettre à la hauteur de l'universel. Donc on a l'idée, chez Kant, encore une fois, c'est chez lui que c'est le plus clair, que la Terre est elle-même un échantillon de l'universel. Que la Terre fait elle-même partie de l'universel, mais qu'elle n'est pas l'universel définitif. Et donc on va essayer de penser ce que serait, à l'échelle universelle, un sens plus précis de cette notion-là. Ça veut dire que à ce moment-là, la prise en compte de l'univers, que ce soit les habitants sur la Lune ou l'univers en général, devient un moyen, un détour pour mieux nous ancrer à nouveau sur la planète Terre, c'est ça ? Alors ça, c'est peut-être une conséquence, mais je crois vraiment qu'il y a l'idée que l'universel a été mal pensé, que l'universel a été pensé de manière restreinte, que l'universel a été confondu avec le terrestre, que l'universel a été confondu... C'est ce que dit Kant. Oui, absolument. Ouais. Et l'universel, encore une fois, c'est l'univers. C'est pas la Terre, c'est pas le terrestrel, si je puis dire. Et lorsque Kant va essayer de penser à partir des êtres raisonnables, et non pas à partir de l'humanité, et donc à partir de la Terre, je crois qu'il produit... un effort vertigineux pour essayer de penser véritablement à l'échelle universelle, qui irait bien au-delà de ce que les humains sur Terre sont capables de faire. Et donc, il va penser un peuplement d'êtres raisonnables à l'échelle spécifiquement universelle, dont les êtres humains ne sont qu'un échantillon. Et vous savez, dans l'idée universelle, d'un point de vue cosmopolitique, il y a une petite note au moment où il remarque que le bois dont l'homme est fait est particulièrement noueux, qui en fait est très très fréquent chez Kant, il y a l'idée que l'homme est médiocre, la constitution humaine est médiocre, il nous dit dans la note, mais finalement, l'être humain n'est capable d'accomplir sa destination qu'au niveau de l'espèce, individuellement il n'y parvient pas, mais pour d'autres êtres intelligents qui habiteraient l'univers, peut-être y parviennent-ils individuellement. Ils n'ont pas besoin de passer par l'espèce réunifiée pour parvenir à accomplir une destination rationnelle. Et de ce point de vue-là, en fait, on retrouve une vieille idée chez Kant, qu'on trouve dès la théorie du ciel, à savoir que la constitution matérielle de l'homme est très médiocre, très dense, très très dense, et qu'elle empêche fondamentalement l'homme de s'élever au moins individuellement au niveau de l'universel, c'est-à-dire au niveau de la raison. En revanche, dans d'autres espèces, dont la constitution matérielle serait moins dense, il est sans doute beaucoup plus facile de s'élever à l'échelle de la raison, y compris au niveau individuel. Et donc, il pourrait se dispenser d'avoir à former une espèce unifiée, en l'occurrence pour nous l'humanité, et pourrait, à titre individuel, atteindre leur destination rationnelle. Et donc il a besoin de ce détour par un autre type d'existence que la nôtre pour mieux montrer la médiocrité de l'être humain, c'est ça ? Oui, alors je ne sais pas si c'est un détour ou si c'est peut-être même la direction ultime. Ah oui ? C'est compliqué à dire. Ce qui est certain, c'est que la notion d'être raisonnable est partout présente chez Kant, que c'est toujours ce à partir de quoi est pensée la question pratique. Il ne pense jamais la question pratique à partir de l'humanité. L'humanité n'est jamais qu'un cas particulier des êtres raisonnables. Et il dit à plusieurs reprises que de toute façon, les êtres humains ne sont pas en mesure d'accomplir la loi morale de manière parfaite. Ce qui pose toujours le problème de comprendre pourquoi il élabore une morale qui, pour nous humains, n'est pas accomplissable, n'est pas faisable. Et je crois que c'est parce que, justement, il pose un modèle d'être raisonnable. Ces êtres raisonnables n'ont aucune raison de ne pas avoir d'existence corporelle en dehors de la Terre. Nous sommes des êtres raisonnables, mais particulièrement médiocres, particulièrement engoncés dans la matière. Et donc, à partir de cela, il va essayer de penser une morale pour tout être raisonnable. ce que serait, encore une fois, le respect de la loi morale pour tout être raisonnable, dont nous ne sommes qu'un échantillon, qui a la particularité de ne pas parvenir à accomplir la loi morale. Et donc prendre le terme d'universel au pied de la lettre. Exactement. Parce que chez Kant, la morale doit être universelle. Voilà, mais je crois qu'elle doit être universelle au-delà même des bornes de la Terre. Qu'elle doit être universelle au sens où une loi morale pourrait tout à fait être la loi universelle au sens fort du terme, c'est-à-dire la loi de tous les êtres raisonnables, qui pour nous se présente comme un impératif, puisque nous sommes médiocres et donc non spontanément portés vers le respect de la loi, mais qui pour d'autres êtres ne prendrait pas la forme d'un impératif, ne prendrait pas la forme de quelque chose qui vient contraindre ce que nous ferions spontanément. Puisque si nous étions beaucoup plus proches de notre destination, nous n'aurions pas besoin d'avoir, si je puis dire, la contrainte de l'impératif. Mais ce seraient des anges, ils les nomment. Non, ce sont des. Ça, c'est l'interprétation que Schopenhauer avait faite. Mmh. Il raille Kant là-dessus en disant que ce sont sans doute des anges. Kant dit clairement que ce sont des êtres corporels, que ce sont des êtres qui habiteraient sans doute. Alors, il garde toujours une prudence de probabilité, mais qui habiteraient à d'autres endroits dans l'univers. Ça, il le dit où ? Il le dit dès la théorie du ciel, et la notion réapparaît dans la critique de la raison pure à l'occasion de la distinction entre ce qui est subjectif et objectif, et quand il parle du fameux pari qu'il serait prêt à faire sur l'existence d'intelligence extraterrestre, raisonnable et corporelle. Il dit qu'il est prêt à engager un pari, etc. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'un anti-humanisme de Kant ? Alors oui, là c'est une conséquence un peu rare qu'on avait essayé de défendre, mais ce qui est certain c'est que Kant... Un, ne fait pas de l'homme l'alpha et l'oméga de sa réflexion, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment sur le plan pratique. Et surtout que lorsqu'il parle de l'être humain, il en parle très souvent en termes extrêmement désobligeants. On est quand même de tous les êtres raisonnables, a priori, sinon le plus médiocre, en tout cas parmi les plus médiocres. Et il y a un signe de cela, qui est, je crois que c'est Lyotard qui avait écrit des choses très justes là-dessus, c'est le sublime. Le sublime a un côté plaisant, mais il a surtout d'abord et avant tout un côté très déplaisant. Donc le sublime tel qu'il est théorisé par Kant dans la deuxième partie de la critique de la faculté du jeu. Exactement. Et pourquoi y a-t-il un côté déplaisant ? Parce que j'éprouve justement la violence du fait que je suis strictement incapable d'être à la hauteur de ma destination raisonnable. Et comment se fait-il, dans ce cas-là, qu'il ait élaboré une morale qui soit tout entière fondée sur la question de la destination raisonnable, dont il nous dit en permanence qu'elle n'est pas accessible pour nous humains ? Vous voyez ? Et dans le sublime, alors certes, je comprends que j'ai une destination suprasensible, très bien, et en même temps, j'éprouve de manière fort douloureuse mon incapacité à être à la hauteur d'une telle destination. Et ça, je crois que le sublime, c'est véritablement le signe que de tous les êtres raisonnables, l'homme est vraiment celui qui ne parvient pas à accomplir sa propre destination. On peut aussi y voir une conséquence du protestantisme de Kant qui produit une forme presque de haine de soi, non ? Une dureté à l'égard de l'être humain, vous voyez, dans son corps, qui est forcément... C'est possible, je n'avais pas pensé à cette option-là, mais c'est une piste tout à fait envisageable, oui. I don't know. All right, I'm calling. What time do you have? 15:36. Let's pack him in ice. Let's leave. Il est mort, maman. Oui, je crois, ma chérie. E-E-C-C. Avec... Il va falloir l'emmener maintenant. Et ils vont le découper en morceaux. Tu voudrais rester un moment seul avec lui ? Il n'a répondu à... Regarde ce qu'ils ont fait de toi. Je suis vraiment désolée. Je croirai en toi toute ma vie. Tous les jours. Iti, je t'aime. Mon Dieu. Iti, téléphone maison. Téléphone. Alors ça veut dire qu'ils vont venir ? Oui. Ah ! Iti, téléphone maison. Iti, téléphone maison. Téléphone. Et oui, on est passé de Kant à Spielberg sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Thibaut Grèce, il nous reste J'ose même pas le dire. Moins de 4 minutes pour évoquer toute la modernité sur cette question. La question que je voudrais vous poser, et c'est pour ça que l'Hérédité est intéressant, c'est dans quelle mesure est-ce que les philosophes modernes et donc plus contemporains, aidés par l'accroissement des connaissances scientifiques, astronomiques entre autres, ont pu prendre en compte de manière peut-être plus probable ou plus sérieuse la rencontre véritable avec des extraterrestres? Oui, alors on a une petite remarque chez Fontenelle déjà qui envisage de manière assez imminente à ses yeux la rencontre notamment avec les habitants de la Lune. Dès le 17e puisque l'ouvrage date du 17e pour la première édition, on a cette idée-là. Alors bizarrement, je réponds à votre question de manière un peu transversale. Au 20e siècle, la réflexion sur l'intelligence extraterrestre en philosophie s'est réduite considérablement. Mais on a chez Husserl quelques petites remarques dans les réflexions sur l'intersubjectivité. Husserl s'intéresse sans doute beaucoup moins à la question de la rencontre empirique, de la rencontre effective, qu'à la définition d'un monde qui pourrait être tiré d'une réflexion sur l'intersubjectivité. C'est-à-dire, il se demande finalement, d'une part, qu'est-ce que c'est qu'un monde du point de vue transcendantal, et à partir de quel type de subjectivité un monde commun peut être défini. Et il envisage la possibilité que des subjectivités différentes, sous-entendu non humaines, puissent constituer un monde commun. Mmh. C'est-à-dire, la notion même de monde, a priori, n'est pas fixée, n'est pas délimitée pour toujours. Elle est totalement tributaire de la détermination du type de subjectivité qui constitue la notion de monde. Le monde n'est pas indépendamment de nous. Exactement. Indépendant de nous. Et on va avoir cette notion chez Husserl d'un monde qui est au fond toujours un horizon. C'est quelque chose qui reste toujours à constituer et qui n'est jamais définitivement obtenu. Mais bizarrement, en phénoménologie, à ma connaissance, je n'ai pas lu toute la phénoménologie, mais je n'ai pas trouvé d'autres références que celles de Husserl à la question de l'intelligence extraterrestre et à la question de la constitution d'un monde commun avec des subjectivités extraterrestres qui ne seraient pas humaines. Sachant qu'à ce moment-là, le mot même d'extraterrestre peut aussi peut-être signifier et incarner ce qu'on pourrait appeler l'altérité radicale, l'étranger radical, non ? Alors oui. L'alien en anglais. Absolument. Ça entraînerait une altérité radicale qui en même temps serait relativement neutralisée puisqu'un monde commun avec de telles altérités serait possible. Donc ce ne serait pas une altérité du point de vue de l'appartenance au monde. On pourrait tout à fait les intégrer dans un monde et un horizon commun. Mais vous soulevez un vrai paradoxe, à savoir qu'en effet, après la Seconde Guerre, quand on a vu émerger les pensées de l'altérité, curieusement, l'altérité extraterrestre a subitement disparu, en tout cas en France, et elle n'a pas fait l'objet, à ma connaissance, à de très rares exceptions près peut-être, d'une véritable réflexion comme telle. Comme si l'altérité s'arrêtait vraiment quand même à ce qui nous est le plus proche, hein, c'est-à-dire à ce qui est terrestre et à ce qui nous est familier. L'altérité, en fait, ne prend pas en charge ce qui n'est pas familier. Et de ce point de vue-là, il y a peut-être un impensé des pensées de l'altérité. Oui. On restera sur cette idée, Typogresse. Merci beaucoup, c'est très fécond. Je précise que demain, nous parlerons quasiment exclusivement d'Emmanuel Kant, mais aussi de Carl Schmitt avec Peter Zandi, qui a écrit un livre qui s'appelle Kant et les extraterrestres, qui nous permettra d'approfondir ce que nous avons esquissé aujourd'hui au sujet de Kant. Et donc, on peut lire le livre que vous avez coécrit avec Paul Miro, qui s'appelle La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre aux éditions Vrin. Un dernier choix, c'est vous qui allez le faire, Typogresse. Est-ce que vous voulez qu'on se quitte avec une chanson d'Harry Nilsson ou de Dalida? J'allais dire beaucoup de vous. Eh bien, Dalida, j'ai des amis qui aiment beaucoup. Eh bien, pour les amis de Typogresse, voici Dalida et sa petite étoile. Une petite étoile, parfois très brillante et parfois toute pâle, voyageait en courbe, en droite, en spirale, dans le firmament. La petite étoile sur toute la terre causait du scandale et rendait la vie vraiment infernale à tous les savants. En cherchant dans les vieux livres, on s'aperçut qu'elle existait depuis toujours et que dans le monde entier, à son sujet, on avait fait de beaux discours. De notre planète, les observatoires braquaient leurs lunettes, mais les astronomes se cassaient la tête, parce que simplement, Une petite étoile, parfois très brillante et parfois toute pâle, voyageait en courbe, en droite, en spirale, dans le firmament. Une autre petite étoile sur le chemin de la philosophie, elle s'appelle Aurélien Bélanger et tous les jours, elle pose sa question philo du jour sur France Culture. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bon, je dis ça avec beaucoup d'affection. Hein. Bonjour Aurélien. Non, mais être une étoile. Une bonjour. Petite étoile, c'est mignon. Votre question ce matin est la suivante. Existe-t-il encore des révolutionnaires en France ? Eh bien, je veux parler, oui, de révolutionnaires authentiques qui ont donné romantiquement toute leur vie à la Révolution. Un révolutionnaire authentique, j'en vois au moins un. Il s'agit de Juan Branco. Côté pile, celui qui se fait appeler l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés appelle à peu près à l'insurrection et à la constitution immédiate de tribunaux révolutionnaires. Côté face, il se balade avec des jeunes filles dans les jardins du Luxembourg. En tout cas, c'est lui qui le raconte dans un étonnant post Facebook après qu'on ait appris que ladite jeune fille avait déposé une main courante contre lui et qu'une enquête pour viol était ouverte. Mais ce qui m'intéresse ici, ce ne sont pas les faits, c'est leur récit presque simultané. Pour le dire de façon très expéditive, le récit que donne Juan Branco de cette journée, c'est presque une nouvelle de Sagan. Les corps s'effleurent, les milieux sociaux se touchent, elles voudraient voir les tuches, ils regarderont plutôt le mépris. Tout est très doux jusqu'à la chute finale. En cela, on reste bien dans l'économie dramatique ordinaire de la nouvelle. Nouvelle bientôt colorée par tout un paratexte de commentaires d'abord, qui font l'hypothèse par exemple d'une machination, une ascension, et qui font basculer cette petite étude de mœurs dans le registre inattendu de la nouvelle d'espionnage. Mais très vite, Sagan revient à la charge par la présence jusque-là inconnue d'un léger opiacé. D'autres détails intimes seront livrés, mais le Luxembourg, peut-être le vrai héros de cette nouvelle, gardera ses secrets. Toute cette histoire garde cependant un parfum discrètement révolutionnaire. On est vraiment entré, tout pendant qu'a duré la séquence médiatique dans l'alcôve amoureuse. Cela n'est pas normal, je veux dire que c'est un lieu normal pour la littérature, mais cela n'est pas de cela en général que l'actualité est faite. Bah pourtant c'est de plus en plus, hein, ce sont ces affaires de meurtre qui font l'événement. Ben elles le font justement car il est extraordinaire que les affaires de mœurs rejoignent l'actualité. De l'affaire Strauss-Kahn à l'affaire Duhamel, le trouble vient moins de l'événement lui-même, événement dont les tribunaux sont remplis, que de la brutale irruption du privé sur la scène publique. Et cela, en soi, c'est révolutionnaire. Cela renverse l'ordre bourgeois des choses. Et c'est en cela que MeToo est une révolution, en tant qu'abolition réfléchie du mur du silence et ouverture de la scène privée à la grande politique. Et cependant, par deux fois et à un an d'écart, le MeToo français aura eu pour théâtre la scène littéraire avec le consentement de Valérie Springora et la Familia Grande de Camille Kouchner. Mais par l'influence énorme qu'ils ont eue, on doit considérer ces deux livres comme des livres révolutionnaires. La libération de la parole, si j'osais, a pris en France la forme de fanfiction de ces deux ouvrages. Ce qui nous ramène à Juan Branco et à cette étrange et parfaitement littéraire irruption de son intimité sur le devant de la scène. Sa promesse, jusque-là grandiloquente et bénigne, c'était de renverser Macron, pas de prendre une place aussi incontournable qu'éminemment problématique sur la scène de l'autofiction française. Et c'est cela, paradoxalement, qui me l'a rendu un instant révolutionnaire alors que je le voyais interviewé par Cyril Hanouna. D'entendre Hanouna débattre de la sexualité de l'opposant autoproclamé, sinon principal, au président Macron, ce n'était pas une scène tout à fait normale. Et c'était encore moins là que le mouvement MeToo était censé nous conduire. Donc vous voulez dire que Juan Branco serait devenu un révolutionnaire malgré lui ? Bah en tout cas une figure d'un nouveau partage entre le privé et le public, voire de l'abolition de cette dualité bourgeoise qui a toujours contre elle les révolutionnaires attachés depuis Robespierre à ce que leur vie privée soit si exemplaire qu'elle puisse être montrée entière et qui a une nouvelle fois contre elle un paradoxal avocat, c'est-à-dire une défense de la vie privée et du secret en général, mais subitement contrainte de publier en urgence moins sa version des faits qu'une remarquable étude de mœurs. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemin de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions, Clément Daté qui dans le rôle de l'extraterrestre à la technique aujourd'hui, qui a accompli son rôle à merveille. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série, donc sommes-nous seuls dans l'univers? On sera en compagnie du philosophe Peter Zendi. On vous parlera de Kant chez les extraterrestres. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en ligne sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct et en téléchargement. Vous pouvez aller sur Spotify, sur iTunes. Nombreuses sont les plateformes qui vous permettent de réécouter l'émission. Rendez-vous sur les réseaux sociaux aussi, Twitter, Facebook, Instagram. L'équipe est toujours ravie de répondre à vos commentaires. À demain, 10h, si on est encore là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.